Hello, I'm a lover. My name is F-I-O. And I run away to be happy. We'll be right back. not afraid. Kids are making hope. Right here. On salue les Nantais. On s'appelle Freaky Doubt. On est hyper content de jouer à cette vitesse, c'est la première fois pour nous. Vu qu'on arrive de très loin, on arrive de Corée du Nord. C'était très difficile de venir, vous le savez quoi. Et aujourd'hui c'est particulier parce qu'en plus de ça, apparemment c'est le début de la saison à Saint-Michel, donc il y a des problèmes avec les voisins, tout ça, donc on aimerait dédicacer la prochaine pour eux. Salut les voisins. Allez, on continue avec une super chanson.

Thank you. s'appelle Crumble Pie, DS, Freaky Dog, DS, T'es Vanille, DS. Voilà, vous avez compris le nom de la chanson. My style, my style, my style, my style, my style, my style, my style, my style, my style, my style, my style. Yo, see the glasses. And then when I close it, make it look like a jazzy jerky. I'll let people talk. Ça a été banni, je vous ai super. On a des cadeaux en bas si vous voulez venir nous voir si ça vous intéresse de céder des stickers gratos, des stickers qui n'a pas cher. Voilà, c'était Cookie Dog, à bientôt.